Ce panneau indique que l'accès de la chaussée est interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure à la dimension indiquée.